Eh, ne dia oja na me mania wa ma bon mani bo singa cha ma de ni ai ma due jongo ala sia sia ra due jongo me mi do la sui nu re ka ma de mbiare ni bo le poge wa mi lo de ni ra e singa cha shi ne ya na ne ju bo no ala di bio bia me. Yesterday, Sierra spoke about how to do the walking meditation and how to report your walking experience when you meet with Sierra in the interview. Today, Sierra will speak about the benefits that are gained from doing walking meditation. Hier, Sayado a parlé de comment pratiquer la méditation en marche et comment rapporter votre expérience pendant la marche lors de l'entretien avec Sayado. Aujourd'hui, Sayado parlera des bienfaits qu'on acquit à travers la méditation en marche. Quand on pratique la méditation en marche, il y a trois façons de la pratiquer. La première partie de la séance, on fait une note à chaque pas, pas gauche, pas droite. Puis la deuxième partie est faire deux notes à chaque pas, lever, placer. Et finalement, la troisième partie est faire trois notes à chaque pas, lever, avancer, placer. Dans chaque pas, que ce soit un, deux ou trois parties, chacune de ces parties est pleine d'esprit et matière. Il y a l'intention d'élever le pied, par exemple, et il y a le processus de lever qui se produit, l'action physique. Chaque partie du pas est pleine du coup d'esprit et de matière. Lever est ce qui se passe quand on lève le pied. Mais si on analyse ces composantes, on remarque qu'il y a l'intention de lever les pieds et puis il y a la matière, le processus physique du lever du pied. Pour pouvoir reconnaître ceci, au moment du lever, on doit procéder au mouvement lentement et en plus concentrer fortement l'esprit sur ce processus de tout début et y rester jusqu'à la fin. L'application du focus mental, de la concentration de l'esprit, implique le facteur du chemin qui est Samawayama, l'effort juste, faire l'effort d'observer. Si cet effort est excessif, alors on va dépasser notre objet. Si cet effort est trop faible, on n'atteint pas notre objet. Donc, si notre effort Samawayama n'est pas excessif ni trop faible, il est simplement juste. On doit appliquer le facteur mental de viser l'objet. Si l'effort de concentrer l'esprit sur l'objet et le facteur de pointage, la visée vers l'objet, sont tous les deux présents, alors on peut observer le processus de soulèvement du tout début et l'esprit suivre le processus du lever du pied à chaque instant. Quand l'esprit suit l'objet de cette façon à chaque instant du tout début, alors au moment du lever, on arrive à connaître l'esprit et la matière qui sont présents en cet instant. On arrive à connaître la relation des causes et effets qui existent en ce moment-là. Où on arrive à connaître comment cet esprit et matière qui sont liés comme cause et effet apparaissent et puis disparaissent, et ils sont par conséquent impermanents. L'apparition et la disparition ne sont pas satisfaisantes, et ce processus est simplement un phénomène naturel sans aucun soi qui est impliqué. Ça est ce qu'on arrive à connaître au moment du lever. Cette connaissance a lieu seulement parce qu'il y a un recueillement de l'esprit sur l'objet qui est Samadhi. Et puis, Samadhi a lieu grâce à la stabilité de l'observation. Cette observation stable dépend de l'effort de l'observation et du facteur de visée et pointage de l'objet. Seulement si ces causes sont complètes, cette connaissance surgira. Afin que l'esprit puisse atteindre l'objet d'observation qu'on appelle levé, et afin que l'esprit puisse se connecter précisément avec l'objet, vous devez vous rapprocher à l'objet, vous devez être près de l'objet. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive près à ce qu'on cherche à observer? Par exemple, quelque part, il y a un groupe de fourmis qui passent. Quand vous les observez de loin, vous voyez qu'une ligne. Vous ne voyez pas très clairement. Mais si vous vous rapprochez, vous pouvez voir qu'il y a des mouvements qui se passent dans cette masse. Mais vous ne voyez pas encore bien ce qui se passe. Ensuite, vous vous rapprochez et vous pouvez voir qu'il y a deux ou trois fourmis par-ci, par-là. Et si vous vous rapprochez le plus près possible, vous pouvez voir chaque fourmi bouger individuellement. Celle-ci est la clarté qui peut se produire. Ça devient clair car vous vous rapprochez pour pouvoir voir. Le fort mental et le pointage sont ceux qui amènent l'esprit à l'objet et le rend clair. Donc, plus le fort mental pousse l'esprit vers l'objet et plus l'esprit se rapproche. Quand ces deux facteurs travaillent ensemble, l'esprit devient de plus en plus recueilli sur l'objet et on a besoin que ce recueillement se produise. Un autre exemple similaire est quand vous regardez un film. Quand vous le regardez, vous voyez des gens qui bougent, il y a des choses qui se passent. Mais si on est capable de voir ce qui compose le film, on voit qu'il y a une image après l'autre, une image fixe après l'autre, qui est en train de se passer en succession rapide. Si samadhi surgit vraiment en nous, alors on sera capable de voir beaucoup, beaucoup de phénomènes se produire. On sera capable de voir comment un vieux phénomène disparaît et un nouveau apparaît à plusieurs reprises. Ça est ce qui se passe si on développe samadhi. Quand on observe comme ça, avec ce fort samadhi, alors cinq facteurs de l'octuple chemin se passent en ce moment-là. Donc la jambe s'élève et pour que l'esprit soit là pleinement sur tous les processus de lever de la jambe, ça est les facteurs de l'effort juste. L'observation ferme qui a lieu à ces moments-là est l'attention juste, samasati. Il y a aussi le recueillement de l'esprit à ces moments-là et ça est la concentration juste, samasamadhi. À ces moments-là, il y a donc samavayama, l'effort juste, samasati, l'attention juste, et samasamadhi, la concentration juste. Ceux-ci sont les facteurs du groupe de samadhi du schéma. Et ces facteurs dissipent les pollutions mentales, les kilesas, ne les font pas rentrer dans le flux de l'esprit. Et le recueillement de l'esprit empêche l'esprit de s'effondrer. Le facteur du schéma qui permet de se connecter précisément de l'esprit à l'objet est samasankappa, l'intention, la pensée juste, la juste application de l'esprit. Et la connaissance qui a lieu en chaque instant de l'objet, ça est la vue juste, samadhiti. Ceux-ci sont les deux facteurs du schéma de la partie de la sagesse, panna-maganga. Quand la portion du chemin liée à la sagesse est présente, alors la racine des kilesas, des pollutions mentales, est déracinée. Niveau par niveau, pendant que l'esprit fait des efforts pour observer l'objet, quand il y a l'esprit concentré sur l'objet de cette façon, alors l'esprit est pur et il est propre. Et quand on observe à chaque moment l'esprit et la matière avoir lieu, alors on se défait des vues fausses du soi, appelées ataditi. Finalement, on va observer les mouvements. Quand on bouge le pied en avant, il y a l'intention de bouger en avant. Et cette attention est mentale ou nama. Et les mouvements qui ont lieu, les mouvements physiques, est rupa, la matière. Donc, on arrive à connaître la série d'intentions qui a lieu dans le processus des mouvements. Et on arrive à connaître la série des qualités physiques, telles que pousser, tirer, la légèreté, etc. Et plus tard, on arrive à connaître comment ces phénomènes apparaissent et disparaissent et sont insatisfaisants à cause de leur impermanence et qu'ils manquent d'un soi inhérent. Ça est aussi ce qui peut être observé au moment du placement. Quand on fait l'effort mental, pointer l'esprit et observer dans la méditation en marche, le Bouddha a dit qu'il y a 5 bienfaits qu'on peut obtenir en pratiquant la méditation en marche. Le premier est Adana Kamo Hoti. On gagne la capacité de voyager sans se fatiguer. On gagne de la résistance. Au temps du Bouddha, on n'avait pas les véhicules qu'on a maintenant. Et les moines allaient où ils devaient aller à pied la plupart du temps. Donc, quand ils pratiquaient la méditation en marche, ils étaient capables de voyager à pied sans souci. Or, nous ne sommes pas des moines, dans le sens où nous ne recevons pas une ordination formelle. Nous ne sommes pas ce qu'on appelle des Vinaya Bhikkhu, les moines qui suivent les règles monastiques. Mais nous sommes comme des moines dans le sens où les suttas considèrent les moines. Le deuxième bienfait est Padana Kamohoti. Qu'est-ce que Padana? Ceci est un effort soutenu, ce qu'on doit appliquer pendant la méditation. On devient capable de faire des efforts intenses dans la pratique à travers la méditation en marche. Car dans la méditation en marche, l'effort est développé à deux niveaux et de façon complète. Mais comment y a-t-il deux niveaux d'effort et comment cet effort devient fort? Simplement, pour lever le pied de façon normale, on doit faire un niveau ordinaire d'effort. Mais afin d'observer pour être capable de voir le processus d'esprit et matière, ça a besoin de l'effort juste, sama wayam. Ces deux niveaux d'effort sont impliqués. De même, dans l'avancement et les placements, il y a ces deux niveaux d'effort. Il y a l'effort ordinaire requis pour bouger et placer le pied, mais ensuite, il y a l'effort requis pour observer du début à la fin, afin de connaître le processus entier de l'esprit et de la matière qui a un lieu dans l'avancement et dans le placement. Donc, ces deux niveaux d'effort sont impliqués. Ensuite, le troisième bienfait de la méditation en marche est Appabhado Oti, qui est le fait d'acquérir une bonne santé et le fait que les maladies sont réduites ou éliminées. La raison est que si on pratique seulement la méditation assise, alors notre circulation sanguine n'est pas bonne, et ça cause des maladies. Mais quand on pratique la méditation en marche, elle supporte la circulation du sang, et la circulation sanguine donc devient bonne, et ça porte aussi à une bonne santé. C'est comme ça qu'on gagne une bonne santé en pratiquant la méditation en marche. Le quatrième bienfait de la méditation en marche est qu'on peut bien digérer la nourriture, peu importe ce qu'on mange. Est important de pratiquer la méditation en marche, particulièrement, par exemple, quand on s'élève après s'être réveillé pour arriver à la première méditation assise. Si on ne pratique pas la méditation en marche avant d'arriver à la première assise, alors on aura la tendance à s'asseoir et à hocher la tête pendant la méditation. Et c'est le même si on ne fait pas de la méditation en marche avant l'assise après un repas. Par exemple, la première assise après le petit déjeuner ou la première assise après le déjeuner, le repas du midi. Si on ne fait pas assez de méditation en marche, on aura la tendance à hocher la tête pendant l'assise. Et le cinquième bienfait de la méditation en marche est Sankhamadhi Gato Samadhi Siratikito Hoti. Ça est le fait que la concentration gagnée pendant la méditation en marche, elle dure très longtemps. Ce qui veut dire, est-ce que quand on observe le lever, avancer et placer, et si on observe l'intention du lever, l'intention de l'avancer, l'intention de placer, l'esprit qui suit l'objet tombe de façon contrôlée sur le lever. Il tombe de façon contrôlée sur l'avancée et il tombe de façon contrôlée sur le placé. Et la concentration qui tombe sur l'objet est ce qu'on appelle Sankhamadhi Gamato, la concentration gagnée dans la méditation en marche. Et cette concentration dure longtemps, ça c'est la signification de Siratikita. Le bienfait de la concentration qu'on gagne pendant la méditation en marche est, comme par exemple, si on a une voiture, est-ce que sa batterie, elle est bonne? Alors, si la batterie est bonne, alors c'est facile de démarrer la voiture. Et on va avoir ça en roulant en voiture, en fait. Donc, quand on pratique la méditation en marche, quand on y fait attention et on arrive à la méditation assise, est facile après de développer la concentration pendant l'assise, quand on les soutient avec la méditation en marche, quand on ramène sa concentration dans l'assise. Et de même, quand on ramène la concentration de l'assise dans la marche. Donc, quand on arrive à connecter la concentration qu'on développe étape par étape et au fil du temps, on la développe jusqu'à atteindre la paix du Nibbana et on développe les dhammas. Et ça est très bien. Si nous ne pratiquons pas du tout la méditation en marche, c'est comme avoir une batterie épuisée. C'est difficile, si vous avez une batterie épuisée, de démarrer votre voiture. Et si la batterie est faible, c'est difficile de démarrer la voiture. Mais elle peut démarrer. Si vous avez la batterie complètement chargée, ce que vous avez si vous pratiquez la méditation en marche, alors est facile de démarrer la voiture. Donc, on doit comprendre qu'on peut gagner ces bienfaits qu'on a mentionnés en pratiquant la méditation en marche et comprendre qu'on doit pratiquer la méditation en marche suffisamment. Si vous pouvez prendre à cœur ce que Sayadaw a dit aujourd'hui, vous aurez les bienfaits qui ont été mentionnés, ceux liés à la méditation en marche. Sayadaw termine le discours aujourd'hui en souhaitant que vous puissiez prendre à cœur cet enseignement pour l'appliquer dans votre pratique afin d'obtenir les bienfaits de la méditation en marche et vous arrivez à voir l'esprit et la matière qui ont lieu dans la méditation en marche, dans le lever, le placer et dans le lever, avancer et placer, afin que vous arriviez à voir comment l'esprit et la matière qui existent au moment du lever et ainsi de suite sont liés en tant que cause et effet et apparaissent et disparaissent et sont insatisfaisantes et n'ont pas de soi. Puissiez-vous du coup développer la connaissance étape par étape pour finalement réaliser la paix du Nibbana? Sadhu, sadhu, sadhu. ကိုပြောပြတဲ့ဟောကြားတဲ့အချက်တွေကိုနော်မိမိတို့နိုင်ယူဟောလာအာယုယူဟောလာမှတ်သားပြီးတော့အာထုမဲ့ဆိုရင်ဈဉ္ဉံဂျိုးတွေရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဈဉ္ဉံဂျိုးတွေလည်းပဲရရှိနိုင်ကြပါစေပေါ့ကြွားစဲလှမ်းစဲခြားစဲမှာထင်ရှားတဲ့နိုင်ယုတ်တရားတွေအကြောင်းကျိုးဆက်ပုံးတွေတည်မယ်မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲဆိုတာလည်းအစဉ်စဉ်တည်ပြီးတော့နောက်ဆုံးယုံနာနှစ်ပါးချုပ်ငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့နော်ဘုရားဆန္ဒပြုရင်ဒီနေ့တရားဟောတရားကိုပွဲဖို့ဆုံးသက်ပါတယ်ဤကုန်းချုပ်ပါတယ ်စာဓုစာဓုစာဓု